Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Canal B, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz le lundi soir à partir de 21h30 en direct ou sur le blog asile35.blogspot.fr voire le mixcloud.com/redman. Et cette semaine une petite kitscherie pour démarrer, non pas le générique, la version de Telstar, le fameux titre de Jomic par mon camarade Dominique Rimaud et ses vidéos aventures de la fin des années 70, début des années 80 du fameux maxi musique pour garçons et filles, mais une version un peu antérieure de Colette Déréal, donc une étoile en plein jour, une cover française de ce titre de Jomic et des fameux Tornadoes Telstar qui était sorti en janvier de l'année 1963 sur Polydor, adapté par Jacques Plante. Et Colette Déréal, bon, c'était une chanteuse et surtout actrice française qui a fait notamment bon, les beaux jours de la télévision française, puisqu'elle a, elle a tourné pour l'ORTF. Elle a fait partie de la première saison des 5 dernières minutes. Voilà, ce qui ne nous rajeunit pas. Et c'est un titre, cette cover de Telstar, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur l'excellent blog de Monsieur Céric, memories.blogspot.fr, qui a posté l'intégralité de ce 45 tours 4 titres, sur lequel on retrouve aussi à la gare Saint-Lazare la valse folle. Et voilà la vie, donc, et ce Telstar. Et je vous mettrai un lien d'ailleurs pour aller écouter tout ça sur memoryhits.blogspot.fr. On remercie l'excellent Céric, donc l'une des nombreuses covers du fameux titre de Jomic. On vous fera peut-être une petite série non-stop, un de ces quatre, des différents titres reprises de ce fameux morceau de Jomic. Et on va démarrer avec une nouveauté, une fois n'est pas coutume. Et il s'agit de la rencontre entre Bardo Pond et Acid Mother's Guru, ou la rencontre entre le groupe américain de la chanteuse et flûtiste Isobel Solenberg en compagnie du fameux groupe de Nippon mené par le guitariste Kawabata Makoto, ainsi que le rescapé de Guru Guru en la personne de Manny Neumeyer. L'album s'intitule Acid Guru Guru Pond, tout bonnement. Il comporte 5 pièces évidemment fleuves, puisque c'est un double album qui sort chez Fire Records, et ça sort d'ailleurs pour le Record Store Day, donc c'est sorti il y a de ça quelques semaines, cette rencontre entre Bardo Pond, Asin Mother's Temple et l'ancien Guru Guru, un double vinyle coloré. Et bon, j'ai sélectionné le morceau Blue d'ailleurs, extrait de ce disque Acid Guru Pond, et c'est le titre peut-être un peu le plus court de cet album. Il fait pas moins de 8 minutes quand même. On écoute Bardo Pond, Acid Mother Temple et Guru Guru. We'll be right back. longue séquence apéritif pour démarrer l'asile de cette semaine. Tout d'abord, Bar de Pond, le retour du groupe Psyché de Philadelphie qui a démarré il y a de ça au moins 25 ans en arrière. Le groupe de Michael Gibbons et son frère, les guitaristes John et Michael Gibbons, en compagnie de la chanteuse, parfois flûtiste aussi, mais souvent flûtiste aussi assez distordue, Isobel Solenberger. Excellent groupe que ce Bar de Pond qu'on vous passe de temps à autre dans les îles plus sûres. Une production assez pléthorique, je dois dire. Et là, ils étaient en compagnie de Acid Mothers Guru Guru, c'est-à-dire le combo qui réunit le survivant de Guru Guru, l'ancien groupe Kraut psyché allemand de la fin des années 60, mené par le batteur Manny Neumeyer, le seul rescapé, en compagnie de Kawabata Makoto, toujours dans ce registre heavy guitare dronesque qu'on leur connaît. Donc une publication double LP colorée, s'il vous plaît, grâce au bon soin du label Fire Records pour cette collaboration entre Bar de Pond et Acid Mother Guru Guru. Voilà, c'était enchaîné avec un avant-goût peut-être du nouvel album de Dirouf qui devrait sortir à la fin du mois de juin sous le titre The Magic. Il s'agissait de la rencontre entre Dirouf et l'ensemble d'Al Niente. Voilà donc pour un anniversaire en fait, l'ensemble d'Al Niente qui est un ensemble classique contemporain américain, new-yorkais je crois, qui fête ses 10 ans et qui s'est offert pour ses 10 ans la collaboration assez exceptionnelle, je dois dire, des gens de Dirouf pour deux longues suites. L'une qui est écrite par le compositeur brésiliano-américain Marcos Balter, la suite Meltdown Upshot, dans laquelle on retrouvait la voix de Satomi Matsuzaki. Et la deuxième suite, c'est plutôt Greg Saunier, le batteur de Dirouf, qui s'y colle pour une pièce entre classique, contemporain et puis des accents rock à la Dirouf. Le titre de cette collaboration, c'est Ensemble d'Al Niente et Dirouf Balter Saunier. Cette excellente collaboration entre l'ensemble contemporain et les Dirouf. On va continuer avec une anthologie des musiques électroniques anglaises qui vient tout juste de paraître en quadruple CD sur le label Cherry Red Records sous le titre Formative UK Electronica 1975-1984, donc de la musique électronique primitive, un peu la suite donc de ce qu'avaient pu produire les gens des scènes progressives ou encore kraut allemande dans les années 70. L'Angleterre avait s'était relevé les manches et avait produit quantité de choses à partir du milieu des années 70. Et Cherry Red donc s'est fendu d'une quadruple anthologie qui est plutôt intéressante sur un certain nombre de titres et de gens un petit peu moins connus peut-être. On y retrouve dans les gens très très connus Chris Nkosey, Oyuki Conjugate, on y trouve même Orchestral Man of the Dark, The Human League et autres, Eyeless in Gaza, donc pas mal de gens des scènes électroniques assez connues de la synth pop new wave de la fin des années 70, début des années 80, et puis des choses un petit peu plus tordues. D'ailleurs les titres des groupes que j'ai cités étaient des morceaux plutôt un peu bizarres de ces formations qui ont pas mal percé, je dois dire. Et on y retrouve aussi un certain nombre de musiciens un peu plus, on va dire, proto-industriels ou des débuts des musiques électroniques et des modulateurs de fréquence de l'époque. Il y a aussi bien évidemment Strobing Crystal, Reynaldo Enzoloff aussi, les Legendary Pink Dots, Muslin' Gozm dans ses débuts et autres, Bruce Gilbert en compagnie de Graham Lewis bien évidemment, et Colin Potter aussi est de la partie à l'époque. Et donc tout ça sur un quadruple CD. Je vous propose d'écouter un grand classique de cette époque des musiques synth pop groupe émergente en Angleterre, en la personne de l'Écossais Thomas Lear, qui a surtout fait deux EP qui ont fait beaucoup parler d'eux. Le fameux Private Plane, qui était sorti en 1978, ainsi que sa collaboration aux côtés de Robert Rantaul sous le titre The Bridge. Mais là, je propose d'écouter un titre peut-être un peu moins connu de Thomas Lear, qui était sur un disque, je crois que c'était un maxi du début des années 80, sous le titre Four Movements EP, qui d'ailleurs était aussi produit par Cherry Red. C'est beaucoup du catalogue de Cherry Red, que Cherry Red en tout cas a à sa disposition sur ce quadruple CD de cette très belle anthologie sous le titre Closer to the Noise Floor, Formative UK Electronica 1975-1984. On écoute Thomas Lear. Thank you. to call my head to the shine. Now you wish me to be under our own to you believe me on it. Which the bigger come I want to make my shirt. Now how to call the things I see the body of the thing will each I am. Who are not sick to guess in the world. Up in my mind when smoke I am. Through the eyes to you my eyes to laugh. It's just me. Black moon day. Ash to torment. Andere Augen sehen. Wir lieben uns. Durch den Tunnel kommt ein Mann. Worte treffen meinen Mund, sucht dein Bild, erreicht mich überall. Klatsch, Mond, Zelt, Asche, Träume. Hätte ich eine Nadel, ich schließe mir andere Augen. Yeah. ihre Angst vor den Kugeln und Steinen. Glaube mir, das habe ich nicht mehr gewollt. Ein offenes Mädchengesicht und über den Kaffee nachträumen den Grafischen. Séquence de musique électronique vintage dans l'Asile Opus sur histoire de se rappeler que dans les années 80 aussi, on savait s'amuser. Tout d'abord, Thomas Lear avec un extrait de son Four Movements de 1981, publié en 82. Et ça figurait donc sur cette anthologie quadruple CD qui rend hommage un peu à la musique primitive synthétique anglaise, mais plutôt du côté des musiques un peu proto-industrielles. Industriel, sous le titre Close to the Noise Floor, Formative UK Electronica 1975-1984, avec pas mal de pépites, comme je disais, des choses un petit peu à la British Electronic Workshop aussi sur les bords, des choses un petit peu rares et aussi des sucreries, on pourrait dire, de l'époque fin des années 70, début des années 80, du côté de la perfide Albion. Et puis on a enchaîné avec des titres qui figuraient sur des cassettes en République démocratique allemande dans la deuxième moitié des années 80, entre 1983 et 1987 très exactement. Une anthologie sous le titre Klang Farbe German Democratic République Tape Music, donc une sorte d'anthologie des nombreuses cassettes publiées par la New Deutsche Welle. Et là, il s'agissait donc de, sur cette double anthologie vinyle, de groupes de Monsieur Frank Brettschneider, bien avant qu'il se fasse connaître comme l'un des musiciens électroniques minimal majeurs contemporains, notamment en tant que producteur du label Raster Noton. D'ailleurs, je crois qu'il a fait paraître un nouvel album il y a peu. Il sort à peu près un disque tous les ans depuis une demi-douzaine d'années, ce musicien Frank Brettschneider. Et on ne savait pas du tout qu'à l'époque où il vivait en Allemagne de l'Est, en fait, il avait produit des choses sur différents alias et différents projets. Et donc cette anthologie Klang Farbe rend hommage à cette musique un peu primitive qu'il pouvait produire à l'époque, soit sous son nom comme ce qu'on vient tout juste d'entendre, ou alors au sein de groupes, ou plus exactement de projets en duo comme le Criminelle Tanzkapelle qu'on avait entendu juste au milieu de la séquence, dans lequel on l'écoutait aux côtés du poète et musicien Fritz Hendrik Melle. Et il y a aussi une autre formation, c'est donc uniquement des pièces de Frank Brettschneider primitives, et donc un autre de ses projets de l'époque sous le nom de AJJ, qui était une sorte de new wave mélangeant d'airplane et flot de Cologne, dans lequel on le retrouvait aux côtés de Olaf Bender, le fameux Olaf Bender qui lui aussi officie sur l'étiquette Raster Noton sous le nom de Bytone et aussi sous le nom de Signal de temps à autre, donc lui aussi dans les musiques électroniques on pourrait dire concrètes allemandes très très très minimales ces dernières années. Et l'un comme l'autre, ils ont fait partie de ce mouvement de la New Deutsche Welle, comme on peut l'entendre donc sur cette anthologie Klang Farbe German Democratic Republic Tape Music, une musique qui doit d'ailleurs pas mal chatoyer les oreilles de monsieur Félix Kubin. Et c'est sorti en double vinyle sur le label Mannequin, qui est un label italo-berlinois qui produit pas mal de choses en synth pop hype wave, on ne sait plus trop comment l'appeler, de ces dernières années, autant des disques de Martial Cantorell que des choses un petit peu plus anciennes comme ce qu'on a entendu à l'instant. Voilà, on va continuer avec tout autre chose, même si il s'agit encore, là encore, d'une réédition des années 80, et on va pouvoir s'intéresser à la personne de monsieur Nuno Canavaro, qui était un compositeur portugais, qui l'est toujours d'ailleurs, je crois qu'il le fait surtout des musiques de films, et il s'est fendu d'un disque qui est devenu assez mythique dans les années 80, sous le titre Plux Cuba, un disque qu'il a sorti, je crois, en 1988, qui est un disque qui a pas mal tapé dans l'oreille des musiciens électroniques, on pourrait dire post-modernes, tels que Mouse on Mars. Jim O'Rourke aussi était très très fan de cet enregistrement Plux Cuba de Nuno Canavaro, pour l'avoir réédité d'ailleurs une première fois en la fin des années 99 sur son label Mwakai. Et Nuno Canavaro, bah, on le connaît principalement et quasiment uniquement par cette unique réalisation. On ne sait pas du tout ce qu'il peut produire par ailleurs. Et le label Drag City vient de rééditer cette excellent disque de Nuno Canavaro Plux Cuba. On va en écouter 3-4 extraits à suivre, et c'est vrai que c'est plutôt très très bon, sorte de musique un peu de librairie musicale, mais très très en avance sur le côté électronique, pratiquement 15 ans ou 20 ans d'avance par rapport, on pourrait dire, aux musiques un peu glitchées ou certaines approches un peu contemporaines des musiques électroniques. On écoute Nuno Canavaro et son Plux Cuba. Thank you. Et voilà, comment se faire surprendre par une fin de morceau. C'est toujours dans l'asile le plus sûr sur Antenne 94 MHz ou en streaming à partir du blog asile35.blogspot.fr. On a démarré avec la réédition de l'excellent album, peut-être son seul album d'ailleurs, à Nuno Cannavaro, sous le titre Plux Cuba, avec Cuba, Q-U-B-A. C'est réédité par Drag City, un disque de 1988 qui a été assez important, comme je vous disais en introduction, pour un peu tous les gens de la scène électronique contemporaine, et notamment pour Yann Saint-Werner, la moitié de Mouse on Mars qu'on écoutait à l'instant avec ce Felder sous-titré Fiplatter Catalogue numéro 4, sorti très récemment par le label Street Jockey. C'est une suite donc à ces disques qu'il avait sorti précédemment, cette série Fib Platter, dans laquelle on a pu notamment écouter Transcendental, Animal Numbers et autres Miss Continuum. Donc quand toujours une sorte de musique un peu électronique fractale avec des programmations synthétiques assez bizarroïdes, ça part un peu dans tous les sens. C'est assez différent de ce qu'il peut produire aux côtés de Mouse on Mars. J'irai pas jusqu'à dire que c'est complètement réussi, la musique de Yann Saint-Werner en solo, mais il y a des petites pièces assez intéressantes sur ce disque, notamment sous le titre Felder, avec un côté un peu opéra électronique avant-garde. Les sons sont peut-être un tantinet trop new age à mes oreilles. Ça manque peut-être un peu de relief, peut-être un petit peu trop léché aussi, cette production de ce Felder de Yann Saint-Werner. Mais en tout cas, il y a quelques petites pièces plutôt sympathiques, comme ce Osho, O-S-H-O, qu'on écoutait à l'instant. On va continuer avec tout autre chose, mais toujours dans les musiques un peu électroniques, avec une production qui vient tout juste de sortir sur le label de Hambourg, Bureau B, et qui réunit pas moins de trois guitaristes et pas des moindres. On y retrouve notamment dans ce trio Gunther Schickert, qui fut membre de la scène berlinoise à partir du milieu des années 64 et qui a sorti pas mal de disques dans la deuxième moitié des années 70, notamment sur les labels Brain et Sky Records, des disques dans lesquels il jouait ses guitares passées par le prisme de l'électronique, dans un côté un peu répétitif, modulaire, et c'était plutôt très très réussi. Et ces dernières années, il est revenu un petit peu sur le devant de la scène avec une formation sous le nom de Siguri, et on le retrouve dans ce trio aux côtés d'un autre guitariste, Jochen Arbeit, qui lui est beaucoup moins connu, en tout cas en ce qui me concerne, mais pourtant il a fait partie de pas mal de groupes à partir du début des années 80 de la scène berlinoise, notamment les formations Die Out, et depuis la fin des années 90 il a intégré la formation Einstürzen de Neubauten. Alors comme je dis plus trop ce que fait Neubauten, voilà pourquoi je connais un peu moins ce Jochen Arbeit. Et la troisième personne est beaucoup plus familière à mes oreilles, il s'agit de Dirk Dresselhaus. Dirk Dresselhaus, qui est la moitié du duo Schneider Thiem, et ce depuis le milieu des années 90. Il a fait aussi partie de Angel aux côtés de Ilpo Väisänen de Panasonic. Et tous les trois, donc, ils se sont fendus d'un disque qui est plutôt pas mal. Alors, on va écouter un titre peut-être un peu dans l'air du temps par ces trois musiciens. Il y a des choses un petit peu plus expérimentales sur cet album, mais peut-être un petit peu moins diffusable à l'antenne. Ce titre qui referme d'ailleurs cet album l'est un peu plus. L'album s'intitule As, tout bonnement, par messieurs Arbeit, Schickert et Schneider. Thank you. you Avouez que quand on vous propose des musiques de club dans les îles de Pussure, on ne fait pas les choses à moitié. On a attaqué avec le trio entre les guitaristes Jochen Arbeit, Gunther Schickert et Schneider TM et l'album As sorti chez Bureau B avec presque deux titres enchaînés puisque je m'étais trompé de morceaux. Donc je vous ai proposé d'abord un morceau peut-être un peu cosmiche et puis c'est enchaîné avec un morceau un peu plus remuant de ce trio. C'est un disque sorti par l'excellent label qui illustre un peu toute la musique électronique primitive allemande de la fin des années 60, à partir de la fin des années 60 jusqu'aux traces contemporaines, le label de Hambourg Bureau B, et c'était enchaîné avec un petit nouveau sur la scène des musiques électroniques qui répond au doux nom de DJ NG Drone, Robert Desbois de son vrai nom, c'est un New-Yorkais, voilà, donc qui publie ce disque Sinster, c'est un maxi sur le label Purple Tape Pedigree, label new-yorkais également, donc une musique un peu noise de qui mélange un peu des choses un peu glitchées, un peu cut aussi sur les bords, une sorte de jam un peu façon samouraï pour ce Sinster de DJ NG Drone. L'album est vraiment comme ça de bout en bout. On va continuer avec toute autre chose et la rencontre entre trois musiciens des scènes européennes improvisateurs de leur état. Un trio qui réunit Michael Vorfeld aux percussions, Richard Scott au synthé modulaire et Frank Gratkowski aux différents sax, et je crois qu'il est surtout à l'alto. L'album s'appelle Sieben Entertruckt Lieder, titre allemand qui doit vouloir dire quelque chose comme Seven Enraptured Songs, c'est sous-titré de cette façon d'ailleurs. Ce disque publié par l'excellente étiquette Creative Source à la fin de l'année 2015. Je propose d'écouter le titre qui démarre ce disque du trio Vorfeld, Scholt et Gratkowski dans l'Asile le plus sûr. Thank you. Une séquence pour réveiller les cages à miel dans ce début de semaine qui a démarré avec le trio, la rencontre entre le percussionniste Michael Vorfeld, le synthé, joueur de synthé modulaire Richard Scott et le soufflant Frank Gratkowski. L'album Sieben Untertrucht Lieder sorti chez Creative Source à la fin de l'année 2015. Toujours très très actif le fameux label portugais des scènes improvisées européenne, et c'était enchaîné avec une production du label grec Holotype, et il s'agissait du propre boss de Holotype en la personne de Michalis Mashoutis, et l'album Nylon, et il s'agissait pas du tout de cordes de type violoncelle mais d'une simple guitare mais jouée un peu façon tronçonneuse ou avec une lime ou de la limaille de fer comme vous préférez. L'album est vraiment comme ça de bout en bout, assez strident et assez distordu. C'est vraiment un paysage sonore assez inouï que propose Michalis Mashoutis, et c'est aussi à l'image de son label qui est un jeune label qui existe depuis 2 ans mais qui a une production assez, assez sympathique, notamment autant des musiques électroniques du type Jacob Kierkegaard que Lawrence English que des disques de ses compatriotes, notamment Marinos Koutsoumialis, compositeur et sound artist grec. Donc voilà pour le label Holotype basé à Athènes. À pas tarder à rendre l'antenne. Je vous rappelle que l'intégralité de cette playlist et de cette même émission est podcastable, écoutable, avec des liens et des textes et des vidéos à visionner à partir du blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Et on se quitte pour cette semaine avec un disque assez inattendu qui marque la rencontre entre le colosse de Wuppertal, le saxophoniste vétéran des scènes free européennes Peter Brotzmann, et la joueuse de pedal steel guitare américaine qui vit en Écosse, Heather Lee Murray, qu'on a pu entendre d'ailleurs ces derniers mois sur le disque publié par Imego sous le titre I Abused Animals. Et ensemble, ils ont sorti un disque sur étiquette polonaise Not Too Records sous le titre Ears Are Filled With Wonder. Ça a été enregistré d'ailleurs en Pologne, à Cracovie, très exactement à la fin de l'année 2015. Cette rencontre entre le joueur de saxophone et aussi de taragoto et la joueuse de pedal steel guitar, un disque qui fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt. Thank you. his grudges, wondering why he just can't kick the habit. Tries and tries, intensify a party with the supermarket. Makes him whole, and if they try and bait him, he'll lash back and smash the windows in the high street. Beats the world up when he's burning, bursting out, lamps are flashing, bells are ringing. Im Bus und die Pneus summten ihr Lied. Ich griff zur Gitarre und zupfte und die Gitarre wurde immer gelber und gelber und wurde bald zu einer gelben Banane, einer gelben elektrischen Banane. Ohne dass eine Öffnung zum Hinein oder Herausgeben des Stromes vorhanden gewesen wäre. Da saß ich da mit einer großen elektrischen Banane und zupfte und zupfte und überlegte, wohin damit? Und legte sie einfach unter den Sitz. Naja, und da liegt sie wohl immer noch und leuchtet gelb. meldet sich am Telefon. Es gibt keine Gnade mehr. Nur himmelsblau fällt passend zu deinem roten Haar und Lola ist deutsch und tot. Und Lola ist deutsch und tot. Und Lola ist deutsch und tot. Weiß. Ewigkeit fällt ins Messer geschliffener Sprachlosigkeit. Kleine Husaren, deinen Armen manchmal Softeis auf öffentlichen Plätzen. Gib dein, nimm mein, gib dein, nimm mein, gib dein, nimm mein, gib dein, nimm mein, gib dein, nimm mein! Thank you. Thank you.